Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude de 3 Jean et Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons commencer ce matin une deuxième étude ou un deuxième partage dans le troisième épître de Jean. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, va remettre ce temps ensemble dans les mains de Dieu. Notre Père du ciel, nous arrêtons pour reconnaître nos besoins de toi, pour comprendre les Écritures. Tu nous l'as dit dans ta parole, nul ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Donc, tu veux qu'on comprenne car tu nous as donné ton Esprit. Donc, nous reconnaissons que c'est par ton Esprit Saint que nous comprenons. Nous reconnaissons aussi que nous devons y impliquer toutes nos capacités intellectuelles et humaines pour comprendre. Et des fois, on se demande comment ça peut marcher entre l'esprit et notre esprit. Mais sans qu'on comprenne tout, nous savons que c'est comme ça que ça fonctionne parce que c'est comme ça que tu nous l'as dit. Donc, instruis-nous, encore une fois, en ce qui a rapport à l'amour entre frères. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Hier, nous avons vu ensemble la vérité que le bien-aimé Gaius, le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé par Jean. Jean était le bien-aimé de Gaius. Donc, nous avons vu ensemble que entre nous, c'est, nous sommes bien-aimés. Et il est impossible, dans ma compréhension que j'ai, de se déclarer croyant et de ne pas aimer les frères, de ne pas voir les frères comme étant des bien-aimés de Dieu. Est-ce que tu vois les autres, et tu ne peux pas voir les autres si tu ne te vois pas toi-même, mais des fois on a tendance à se voir et on ne voit pas les autres, mais est-ce qu'on voit les autres comme étant des bien-aimés de Dieu. Et à cause qu'ils sont des bien-aimés de Dieu, ils sont nos bien-aimés aussi. Donc, ce matin, on continue et nous allons relire ensemble le verset 2 jusqu'au verset 4. Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jean commence encore une fois en disant à Gaius, « Bien-aimé ». Et on a vu hier que si on appelle quelqu'un honnêtement dans notre cœur, si on dit à quelqu'un, tu es mon bien-aimé, tu es le bien-aimé de Dieu, et ça fait toute une différence dans la conversation ou dans la relation. Mais Jean ici dit à Gaius, bien-aimé, j'ai un souhait, j'ai un désir, j'ai, on dirait des fois nous autres, on dit, oh, j'ai un rêve, j'ai une ambition, c'est que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour moi quelque chose de... C'est une déclaration que Jean fait, qu'il comprend et qu'il croit que l'âme de Gaius prospère, que l'âme de Gaius avance dans la foi. Il dit, je crois que tu prospères, parce que t'es une œuvre de Dieu, t'es un bien-aimé de Dieu. Et si t'es un bien-aimé de Dieu, tu prospères, parce que c'est ce que Dieu a dit. Ce qui a commencé en nous, il va la rendre parfaite, cette œuvre-là. Donc, on peut dire que Dieu est en train de travailler dans l'âme de Gaius. Donc, il dit, j'aurais un désir, c'est que tu prospères dans tous les domaines de ta vie comme tu prospères dans l'état de ton âme. C'est pas à cause qu'il le souhaite que ça va arriver, mais c'est son désir. Il voudrait le bien-être des enfants de Dieu. Il voudrait que cet homme qui appelle Gaius, qu'il aime beaucoup, qui sait qu'il est aimé de Dieu, c'est son souhait. Mais un souhait n'est pas toujours la réalité. Il ne faut pas prendre ça pour une réalité. Mais je te souhaite toute la santé du monde. Je te souhaite d'avoir une bonne job. Je te souhaite d'avoir des beaux enfants. Je te souhaite on peut souhaiter. Parce qu'on souhaite du bien. Hein? On souhaite du bien aux gens qu'on aime. On ne lui souhaite pas du mal. Si on souhaite du mal à quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on l'aime. Mais quand on aime quelqu'un, on leur souhaite du bien. Mais le souhait qu'il fait ici, est en lien, ou en accord, ou à la dimension du fait qu'il comprend que Gaius est un enfant de Dieu, qui est un bien-aimé de Dieu, et qu'il sait qu'il grandit. Comment je pourrais bien dire ça? Je ne peux pas douter que les enfants de Dieu avancent. Comme je ne peux pas douter de ma croissance. Parce que ce n'est pas entre mes mains. C'est entre les mains de Dieu. Dieu a promis que ce qui avait commencé en nous, il l'amènerait à la perfection. Ce qui a commencé en nous, il dit dans Romains 8, tout concourt maintenant, mon François, à ton bien, pour que tu deviennes semblable à Jésus-Christ. Mon bien, là, ce n'est pas mes biens matériels ou ma santé physique. Il dit, tout va concourir à ton bien pour que tu deviennes semblable à Jésus-Christ. Je te le promets, c'est mon plan, c'est son ambition à Dieu. Et notre Dieu fait tout ce qu'il veut. Si je crois que la prospérité de mon âme dépend de moi, je ne peux pas avoir aucune certitude. Et si les promesses de Dieu dépendent de moi, ce n'est plus une promesse. Parce que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Moi, François, j'ai compris à un moment donné dans ma vie chrétienne que je ne pouvais pas faire de promesses à qui que ce soit. Parce qu'il y a trop de choses en dehors de mon contrôle. Je ne peux pas promettre à mes enfants que je vais être là demain. Je ne peux pas promettre que je vais toujours pourvoir leurs besoins. Je ne peux pas. Je peux pas faire ça. Il y a trop de choses qui ne dépendent pas de moi. Il y a trop de choses que je ne contrôle pas. Mais Dieu, lui, quand il fait une promesse, si tu te repens et que tu crois en moi, je vais te sauver, je vais te sanctifier et je vais te glorifier et un jour tu vas être semblable à mon fils. Lui, il le promet et il le fait. Donc, je ne peux pas douter que je prospère, que j'avance. Je ne peux pas douter que vous prospérez dans votre âme, que vous avancez, que le plan de Dieu s'accomplit dans votre vie comme il s'accomplit dans la mienne. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je pense en te regardant de la façon que tu vis, Dieu a promis que tous ceux qui se repentaient et qui croyaient, c'est ce qu'il ferait avec eux. Donc, il est en train de le faire avec vous et moi. Dans le verset 3, il dit une autre chose. Il dit, j'ai été fort réjoui. J'étais rempli de joie d'entendre dire par les frères et sœurs qui te connaissent et qui m'ont rencontré à quel point ton témoignage de la vérité est en toi. Que tu marches dans la vérité. Ça m'a fort réjoui. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il dit, je n'ai pas de joie plus grande dans ma vie. Je suis rendu à 90 ans, dis-je. Vous savez que je ne parlais pas de moi, parce que je n'ai pas l'air de 90 ans, hein? Mais on parle de Jean. Jean, j'ai 90 ans et je n'ai pas de plus grande joie dans ma vie chrétienne que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Vivre dans la vérité. Marcher dans la vérité, on sait ce que ça veut dire. C'est marcher en accord avec la foi qui a été proclamée par Jésus-Christ. Marcher en accord avec l'Évangile. Marcher dans la vérité, ce n'est pas une absence de péché. Marcher dans la vérité, c'est réagir selon ce que Dieu m'a enseigné dans l'Évangile. Comment je dois faire face au péché que je fais encore en tant que chrétien? Comment je vais réagir devant le péché en tant que chrétien? Parce que je dois accepter le fait que je vais vivre, que je vais faire des péchés tous les jours de ma vie jusqu'à temps que je meure. Que ma nature pécheresse va être en moi jusqu'à temps que je meure. Mais marcher dans la vérité, c'est que j'ai pris la décision un jour de faire face à mon péché de la façon que Dieu voulait que je fasse face à mon péché. Je marche dans la vérité, ça veut dire que je marche dans une personne, dans les paroles d'une personne, dans les déclarations d'une personne. Et la vérité, c'est Jésus. Donc, je marche en Jésus, je marche dans l'enseignement de Jésus, je marche dans le sacrifice de Jésus, je marche dans les proclamations de Jésus, dans les promesses de Jésus, je m'accroche à Jésus, je m'accroche à son sacrifice, je m'accroche à sa vie. C'est ça que ça veut dire, marcher dans la vérité. Et Jean dit, « J'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. » Il dit, « J'ai pas de plus grande joie dans ma vie que ça. » Je me suis posé la question, pour que Jean puisse dire ça, sais-tu pas ce qui est un SS? Savez-vous ce que ça veut dire, SS? Super spirituel? C'est-tu parce qu'il y avait une maturité énorme, plus grande que tout chacun d'entre nous? C'est-tu parce qu'il avait atteint un niveau de sainteté quasiment céleste pour pouvoir dire honnêtement, franchement, j'ai pas de plus grande joie dans la vie que de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité? Est-ce que je peux dire cela? Je me suis posé la question. Est-ce que moi, François, je peux dire honnêtement, vraiment, sincèrement, devant Dieu, de dire la plus grande joie que j'ai dans la vie, c'est de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité? Si tu te poses la question à toi, as-tu de plus grandes joies dans ta vie que ça? Bonne question, hein? Je peux dire, après avoir médité, là je vous donne le résultat de mes méditations durant la semaine, je peux dire que la plus grande joie de ma vie, c'est de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité. Mais pourquoi je peux dire ça? Est-ce que c'est de l'orgueil de dire ça? Est-ce que c'est faux de dire ça? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est sans péché? Non. Mais voici comment je suis arrivé à la conclusion que je pouvais dire ça. Je me suis posé la question. Est-ce que, François, la plus grande joie dans ta vie personnelle, c'est de connaître la vérité? Là, pense pas aux autres. Est-ce que la plus grande joie dans ta vie personnelle, c'est d'avoir connu Dieu, c'est d'avoir connu Jésus-Christ, c'est de marcher dans la vérité, c'est d'être main dans la main avec Jésus, c'est de faire un avec Jésus et le Père. Est-ce que c'est ta plus grande joie dans ta vie d'être devenu un croyant? Et je peux vous dire que oui. J'ai eu bien des joies. J'ai des joies face à mes enfants, face à mon épouse. J'ai des joies face à des voyages que j'ai faits. J'ai des joies face à toutes sortes de choses que j'ai pu vivre. J'ai des joies. Mais ma plus grande joie, c'est d'avoir connu Jésus-Christ dans ma vie. Je changerais, vous pourriez m'offrir toutes sortes de choses. Mais je continuerai à dire que la plus grande joie de ma vie, c'est de connaître Jésus-Christ. Ceci ne veut pas dire que je ne recherche pas d'autres joies dans ma vie. Ça veut pas dire que je refuse d'autres joies dans ma vie. Si tu m'offres un voyage gratis dans un pays que je rêve depuis toute jeune de visiter, je vais avoir de la joie à le faire. Puis je vais te remercier de me donner le privilège de le faire. Ça veut pas dire que je refuse ces joies-là. Mais ma plus grande joie, c'est d'avoir connu Jésus-Christ. Ou que Jésus-Christ m'a connu et qui m'a invité à devenir son enfant et son héritier. Mais ça, si ma plus grande joie, pour moi, c'est ça. Je peux dire honnêtement que ma plus grande joie aussi, c'est de voir les autres marcher dans la vérité. Et ça, c'est une belle démonstration de ma foi, que je suis un enfant de Dieu. Quand je peux dire sincèrement, la plus grande joie de ma vie, le plus grand jour de ma vie, c'est quand Dieu est entré dans ma vie, Dieu est entré dans mon cœur, et qui a fait de moi son enfant, qui m'a purifié de tous mes péchés, et qui a fait de moi un serviteur de Dieu pour l'éternité. C'est la plus grande joie de ma vie. Donc, si c'est ça pour moi, je peux dire honnêtement que c'est ça pour vous. Le fait que vous marchiez, vous autres, dans la foi, c'est une grande joie pour moi. C'est la même joie que j'ai pour moi-même. Mais si ce n'est pas la plus grande joie que j'ai dans mon cœur pour moi, je ne pourrais pas dire que c'est ma plus grande joie, c'est de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité. Mais à cause que c'est ça pour moi, je peux dire que c'est ça face à vous, dans ma relation avec vous. Ça me rend bien joyeux de voir d'autres enfants spirituels marcher dans la foi. Gaius a rendu Jean joyeux parce qu'il reçoit un témoignage de la part des frères et sœurs qu'il marche dans la vérité. Et ça rend Jean heureux. Voyez-vous que cette relation, les frères et les sœurs disent, lui, il marche dans la vérité. Et ça rend les gens heureux. Ça, c'est une belle preuve, si je peux dire ainsi, qu'on est des enfants de Dieu. Si vous aimez les enfants de Dieu, si ça vous rend heureux de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité, c'est parce que vous marchez dans la vérité, ça vous rend heureux aussi. C'est la même vérité, là, que si j'aime Dieu, j'aime les frères, si j'aime les frères, j'aime Dieu. Si j'ai de la joie à être sauvé, ça me donne de la joie à voir d'autres personnes sauvées. Parce que je sais que tous ces gens-là sauvés vont glorifier Dieu pour l'éternité, vont le servir et l'adorer pour l'éternité. La joie de l'enfant de Dieu, c'est de voir d'autres gens comme lui marcher dans la vérité. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait goûter cette joie, parce qu'elle vient de toi. C'est un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Ça vient de toi, cette joie-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine. C'est un fruit de ton esprit qui nous fait comprendre des vérités. Et ces vérités nous rendent joyeux. Et quand on voit ces mêmes vérités-là dans d'autres enfants que tu as, ça nous rend aussi joyeux. Nous te glorifions, nous t'aimons, nous te louons pour l'œuvre que tu fais en nous. Merci que tu fais prospérer notre âme. Merci que tu fais prospérer les enfants de Dieu qui sont autour de nous. Seigneur, dans tous nos moments de conflit et de difficulté, rappelle-nous par ton esprit. Je suis en train de faire prospérer ce frère ou cette sœur. Un peu, Seigneur, de nous donner un peu ce que Paul a dit. Le Seigneur est assez fort pour le garder debout. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et notre âme prospère tous. Nous sommes tous dans les mains du même potier qui veut nous emmener tous à la même place, à être à l'image de Jésus. Donne-nous de nous rappeler ça, afin qu'on puisse te glorifier dans nos relations mutuelles. Au nom de Jésus, Amen.